rien prouvé. Beaucoup sont fumés devant moi. J'sais que t'es mauvais et que tu voudrais mon âme. Tu les entends parler, c'est que je leur tire les cheveux. Qui n'arrive qu'à mes pieds, comme d'où je suis habitué. Oui, tu le sais, je suis spécial. J'ai fait ce que t'aimes bien chez moi. Je me mélange pas, je suis pas comme eux. C'est faux, c'est mouillé, je recule pas. Club là, tous les bicraves. J'appelle ça les choses de la vie. Et si mon regard est hardcore, ben c'est que ma vie l'est aussi. Yeah. Je pose ma main sur ton corps et je vois tes yeux briller. Je sais que tu voudras me revoir encore quand faudra se rhabiller. T'es piqué de moi, je sais que c'est mort. Je donne à tout ton quartier. Les petits bâtards qui parlent de moi, on va tous les enculer. Y'a du sang, t'es par terre. Je voulais pas, j'ai mes valeurs. Moto, on a tiré. Je l'ai touché, évidemment. Charbon, qui m'a niqué. Oui, j'attends pas qu'on me pardonne. Mais pas, tu m'as rien fait. Je sais que tu m'oublieras jamais. T'es attiré, toi et moi, il faut arrêter. C'est que chez moi, y'a rien de faux. Mais je suis pas sûr de te mériter. Mais je sais que c'est dur de lutter. C'est pas me voir, pas me toucher. Ma chérie, je dois marcher glauqué. Ces fils de pute veulent me niquer. Je peux pas traîner dans la rue, balader avec toi. En voiture, je suis calibré. Hein. Je ressors pas du comico. Si les keufs viennent me péter, hein. Mes affaires, faudra bien qu'ils les payent. Clic, clic, faudra qu'ils les payent. Dans la cité, c'est à nous le game. Bruit du pep, pep, les 9000 payent. T'inquiète pas, oui, je fais gaffe. J'oublierai pas toi, tu m'aimais grave. Tu crois que je voulais faire couler le sang. Ces bâtards voulaient tous me ventrer. Ma bêta et moi, oui, c'était beau. Sur un bateau ou dans un hélico. Je suis le meilleur, je mets des faux. Tu m'aimes, je suis le bonhomme qu'il te faut. Yo, je pose ma main sur ton corps et je vois tes yeux briller. Je sais que tu voudras me revoir encore quand faudra se rhabiller. T'es piqué de moi, je sais que c'est mort. Je donne à tout ton quartier. Les petits bâtards qui parlent de moi, on va tous les enculer. Y'a du sang, t'es par terre. Je voulais pas, j'ai mes valeurs. Moto, on a tiré. Je l'ai touché, évidemment. Chapeau, qui m'a niqué. Oui, j'attends pas qu'on me pardonne. Mais pas, tu m'as rien fait. Je sais que tu m'oublieras jamais. Y'a du sang, t'es par terre. Je voulais pas, j'ai mes valeurs. Moto, on a tiré. Je l'ai touché, évidemment. Chapeau qui m'a niqué. Oui, j'attends pas qu'on me pardonne. Mais toi, tu m'as rien fait. Je sais que tu m'oublieras jamais. Je sais que tu m'oublieras jamais.